14% en cause. La hausse du coût du pétrole, mais surtout l'augmentation des taxes sur le gasoil. Augmentation qui doit se poursuivre en 2019. Une pétition réclamant une baisse des prix a été lancée sur le site change.org. Ce matin, elle a quasiment recueilli 270 000 signatures. Les automobilistes appellent par ailleurs à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre. Le chiffre est alarmant. Selon l'Union nationale de l'apiculture, 30% des colonies d'abeilles sont mortes l'hiver dernier en France, soit un taux de mortalité multiplié par 3 par rapport aux années précédentes. Les apiculteurs pointent du doigt les pesticides utilisés par les agriculteurs qui déciment les insectes. Les prisons françaises surpeuplées. Le nombre de détenus a atteint un nouveau record en septembre. Plus de 70 700 personnes incarcérées recensées, soit une hausse de 3% par rapport au 1er octobre 2017. Pour désengorger les établissements pénitentiaires, le gouvernement promet la création de 7000 places, mais aussi la suppression des peines très courtes. La terre a tremblé cette nuit au large de la Grèce, un séisme de magnitude 6,8 en mer Ionienne. Électricité coupée, glissement de terrain, bâtiments endommagés. Il y a quelques dégâts matériels, mais apparemment pas de victimes. Toujours aucune arrestation aux États-Unis. Hier, de nouvelles personnalités anti-Trump ont reçu des colis piégés à 2 semaines des élections de mi-mandat. L'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden ont été visés. La Maison-Blanche accuse les médias. Allez, on passe au sport. Mauvaise soirée. Oh bah tiens, c'est étonnant pour le club français en Ligue Europa. On met plus un pied devant l'autre. Bordeaux a été battu 2-1 par le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la 3e journée de la phase de groupe. Défaite de Rennes, dominée 2-1 également par le Dynamo Kiev. Enfin, Marseille s'est incliné 3-1 face à la Lazio Rome. Pour les Girondins et l'OM qui sont derniers de leur groupe, la qualification pour les 16e de finale paraît compromise. Marseille qui a rendez-vous dimanche soir avec le Paris Saint-Germain en clôture de la 11e journée de Ligue 1. D'ici là, Nîmes reçoit Saint-Etienne à 20h45 ce soir. La météo, au lever du jour, la grisaille, souvent accompagnée de brouillard, recouvrera les bons 2/3 nord du pays et l'ensemble du sud-ouest. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, le ciel sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages sur la Côte d'Azur et la Corse. En fin de matinée, une perturbation apportera un peu de pluie de la Bretagne aux Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel restera assez nuageux sur les 3/4 du pays. Il fera beau dans le sud-est. Les températures, elles sont en baisse. 6 degrés à Vendôme ce matin, 7 à Nancy et à Saint-Étienne, 8 à Compiègne, 9 à Paris, 10 à Arles, 12 à Pau et 16 à Bastia. Cet après-midi, on attend 11 à Boulogne-sur-Mer, 13 à Bourges et Pontarlier, 14 à Vannes et 18 à Carcassonne. 6h02, bonjour à tous, bonjour l'équipe. Bonjour. Les vendredis, on est en pleine forme. Bonjour Justine. Salut Greg, bonjour tout le monde. Bon, on est ravis d'être là. Ah oui, on est cool. Content, ah, vendredi. Ouais. Bonjour Jonathan. Bonjour, bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Max. Bonjour. Annaël, Clara et Jules, tout le monde est là évidemment, avec une chanson qu'on n'a pas entendue depuis un petit moment, ça va faire du bien. Ex-Ambassador sur RTL2. Run away. Girls Renegade sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. Grégory Achère, Justine Salmon, toute l'équipe et Francis Zégut et Eagle Eye Cherry. Parce que ce matin, on reçoit du monde, hein, Justine. On a une belle matinée qui nous attend. Là, il y aura le nouveau Hit the Road. Francis Zégut viendra nous parler de son séjour sur la route 66 aux États-Unis en avril prochain. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire. Et puis donc, Eagle Eye Cherry sera avec nous. C'est cette chanson-là qu'on connaît tous par cœur. Je suis trop contente. Ouais, c'est bien, hein, Eagle Eye Cherry. C'est aussi ça, Eagle Eye. Hein. Et puis sa nouvelle chanson, Street of You, que l'on entendra également en live. Ah oui, j'ai mis deux chansons en même temps. Mais pas pratique. Je ferai ça quand il sera à côté, non? Je ferai les chœurs. Si tu veux, mais si, mais les micros fermés. Oui. Voilà. Que tu vas lui gâcher un peu sa chanson. Parce qu'il y a toujours que toi qui chantes. Mais moi, je chante micro fermé, on m'interdit. Ouais, c'est ça, j'ai une preuve avec Carole Vega, comme quoi tu chantes comme ça de partout, hein. On est d'accord, les copains? Bien. Ouais, d'accord. La Foire Expresso, l'horoscope, le winner du jour, le tube de la brosse à dents, 32-28, et puis du son pop rock. Depeche Mode et Police. Voici Can't Stand So Close to Me sur RTL2. Les deux titres, ouais, je fais n'importe quoi, je suis pas réveillé, c'est vendredi matin, bon 6h09. Justine, réveille-moi avec une info expresso, s'il te plaît. Alors dans la vie, vous savez, il y a deux teams, les couche-tard et les lève-tôt, on va en parler dans un instant. Et où les couche-tard et lève-tôt en même temps. Oui, c'est vrai. Derrière nous. A tout de suite sur RTL2. Ah ouais, tu veux mettre Depeche Mode, toi? Ah bah j'en ai envie. Ah d'accord, donc moi je lance la pause, toi tu me dis non, on écoutera Depeche Mode. Eh ben il faut teaser. Bon, monsieur. Alors attends, tiens, je viens te voir, toi, vas-y, on voit, pareil. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. Ce titre d'Ed Sheeran, vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Alors, voici SUV Citroën C3 Aircross d'occasion à 14 990 euros avec navigation connectée 3D et 3 ans de garantie offerte. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Si, si, c'est une occasion. Chez Citroën Select, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Pendant les 10 jours de l'occasion, SUV Citroën C3 Aircross file moins de 20 000 km avec navigation connectée 3D est à seulement 14 990 euros avec 3 ans de garantie offerte. Citroën. Offre valable dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroenselect.fr. Ce week-end, vos champions ont rendez-vous au Camp Nou. Il y va seul, Ousmane Dembélé. Pour le match qui fait vibrer la planète football. Oui, c'est frappé au premier poteau sur la tête de Raphaël Varane. Le Classico, FC Barcelone-Real Madrid. Karim Benzema, la frappe enchaînée. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans Beansport. Dimanche, vibrez avec le Classico, le vrai. FC Barcelone-Real Madrid, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Running like a dog, fighting like a bitch too much. And you just can't stand it, baby. Even when I fall. Don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. On est vendredi matin, c'est le 26 octobre, c'est la Saint-Dimitri aujourd'hui. Et puis vous pouvez gagner vos vacances. On vous le dit, c'est la dernière chance hein, pour nous joindre pour le tube de la brosse à dents RTL2. Vous nous appelez au 3228 pour gagner un séjour en club Bellambra pour 4 personnes. 2000 euros le séjour, bim. Incroyable, en famille, Clara vous attend au standard 3228. L'info expresso après Dépêche Mode, voici Enjoy the Silence sur RTL2. Crashing in into my little world, painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is. Words are very unnecessary. Enjoy the silence dans le double expresso RTL 2, 6h18. L'info expresso RTL 2. Allez, on parle de sommeil, on parle de roupillon ce matin avec Justine. Tout à fait, on parle sommeil grâce à une étude envoyée par Eve Sleep. Cette étude alors, nous révèle... Alors on précise, sleep, S-L-E-E-P, qui veut dire tout dormir, parce que sinon c'est... Pas Eve le nous slip que vous slip. Mettez sur vos petites fesses. Non. Tout à fait. Donc l'étude révèle que 43% des personnes en couple, je suis sûre que vous allez me confirmer ça, vas-y, ne se couchent pas ou ne se lèvent pas en même temps que leur moitié. Ah bah oui, forcément. Forcément. Bah, nous c'est un peu un cas à part avec évidemment le fait de présenter une émission tôt le matin, mais oui, moi, avant de faire ça, on n'avait pas forcément les mêmes horaires. Bah, c'est dur d'avoir les mêmes horaires. Ouais, c'est vrai. Et les personnes interrogées ont tendance à rester au lit pendant 8 minutes une fois réveillées. Moi je réfléchis, oui c'est à peu près ça. Ouais, ça traînouille, tu veux dire un peu. Ah, ouais. plus depuis que je fais de la radio. Ah bah, on n'a pas le choix, non, pas, on a pas le temps de traîner là le matin. Le week-end, moi, je trouve. Ah oui, le week-end. Ah, en semaine, là, non. 46% sortent du lit dès la sonnerie du réveil, dès la première, bim. Et 36% se jugent complètement inutiles avant un premier café. Ah. Moi j'en connais qui sont complètement inutiles après même 3 cafés. Et ça c'est un peu méchant, c'est gratos, je ne donnerai pas leur nom à l'antenne. Ça c'est encore une étude qui prouve que je fais rien ce qu'il faut. Hein. Vraiment tout ça, moi je suis pas du tout. Mais bon. La vraie nuit de sommeil, bon ça on le sait, c'est entre 6 et 8 heures hein, pour que le corps ait son temps nécessaire pour recharger les batteries. Tant pis mon corps. Et j'ai une bonne nouvelle pour les couches tard, n'oubliez pas ce week-end le changement d'heure. Ah. On change d'heure. On dort plus ou pas? On dort plus. On dort c'est plus, ça, hein. À 3h du matin, il sera 2h du matin. Ça, on recule l'horloge. Une heure de plus en soirée, Justine. Exactement. Mon samedi soir va être foufou. Oh, ça y est, je suis fatigué. On voit la musique. Merci, Justine. Panic at the Disco, High Hopes sur RTL. We'll be right back. mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high, high hopes. Mama said, RTL de Panic at the Disco. I hope 6h23. Voici l'horoscope du jour. Médaille de bronze, Greg, avec les balances. Vous passez trop de temps au travail, respirez un peu. Les sagittaires. Ne prenez pas les critiques trop à cœur. Et les capricornes. Attention à ne pas être tête en l'air. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Oui, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre week-end. Les gémeaux. Pour vos proches, vous êtes un vrai rayon de soleil. Taureau. Aujourd'hui, vous faites rire tout le monde. Les cancers. Vous êtes efficace sur toutes les tâches que l'on vous donne. Lion. La bonne humeur qui vous habite rend les autres heureux. Les vierges. Votre patience sera très vite récompensée. On passe au Verseau. Oui, voilà une journée idéale pour entamer des projets. Et la dernière médaille d'argent pour les poissons. Attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle. Et enfin, nos champions du jour, la médaille d'or, première place pour les scorpions. Oui, les scorpions, vous êtes d'humeur joueuse. Vous avez envie de profiter pleinement de la vie. Votre week-end, je vous le dis, sera mémorable. Et pas ça. Mal, hein. C'est classe, hein. 32-28 pour jouer avec nous au tube de la brosse à dents RTL 2, gagner vos vacances bel en bras. Dernière chance cette semaine, Clara vous attend au standard. On écoute Dire Straits. Voici Lady Writer dans le double expresso RTL de Bon Réveil. Lady Writer on the TV, talk about the Virgin Mary. Reminded me of you, the expectation left to come up to you. Lady Writer on the TV, yeah, she had another. TV. Suez, Lady Writer dans le double expresso RTL2. Attention, question, tout le monde peut jouer, vous qui nous écoutez, toute l'équipe ici présente, Justine en tête évidemment. Est-ce que les Français sont parmi les Européens les plus sportifs? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que oui, moi. Okay. Je pense pas. Eh ben, c'est Jonathan qui marque le point. Je suis désolé, Justine. 46% des Français déclarent ne jamais pratiquer de sport. Oh. On est quand même de très mauvais élèves. Alors, les pires, c'est les Maltais. Alors, eux, ils sont 75% à jamais faire de sport. 75% et les Grecs, 68%. Mais par contre, les Finlandais, ils sont plus de 85% à faire du sport. J'en étais sûr, les pays nordiques. Les Suédois et les Danois, c'est plus de 80%. Pourtant, il fait froid. T'as pas envie de faire du sport quand il fait froid. Si, ça te réchauffe. Bah, ouais. Si, au contraire. Oh. Boum. Oh, bah, là. Allez, au taquet. Oh, bah là, je vous confirme, moi, l'hiver, je préférerais rester sous mon plaid que d'aller faire du sport. Soit du sport, soit picoler. Ouais, c'est pas la même chose. Avec modération. La suite, Jérémy. Imagine Dragons, Natural. Il a mis du temps à le sortir, hein, son Natural. Oui. Ah, tiens, incroyable, c'est resté coincé dans la gorge un petit moment. Et puis, il y aura également le winner du jour. A tout de suite sur RTL2. Il a fait... Oh, elle chante. Lorsque vous écoutez Coldplay, vous êtes sur RTL2. RTL2 vous a fait découvrir James Arthur. Les Cranberries. C'est forcément RTL2. RTL2. RTL2. The Pop Rock Radio. Leclerc. Chérie, si je te dis qu'il y a 5 euros de tickets Leclerc sur le jeu Red Dead Redemption 2 pour PS4 et Xbox One chez Leclerc. C'est sur le jeu quoi? Le jeu Red Dead Redemption 2. C'est juste le top absolu des jeux vidéo. Super! Du 26 octobre au 3 novembre chez Leclerc, le jeu Red Dead Redemption 2 pour PS4 et Xbox One est à 48,49€ seulement. Avec en plus 5 euros en tickets Leclerc. Voir modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Red Dead Redemption 2 est chez Leclerc. Là c'est clair! Jeu violent déconseillé aux moins de 18 ans. Seal Team, votre nouvelle série avec David Boreanaz débarque sur M6. Le héros de Bones incarne Jason Hayes, officier chef de la plus haute unité d'élite américaine, les Navy Seals. Va falloir aller vite et fort. Mais pour ces soldats surentraînés, difficile de concilier vie professionnelle et personnelle. Même quand t'étais là, tu n'étais pas là. Seal Team, votre nouvelle série, c'est tous les samedis à 21h sur M6. Oh, oh, oh, M6. Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les plantes, c'est moi. Ah bah c'est simple, hein, je suis incollable. Petit biscus, crise d'antenne, robot dindon. Incollable, je vous dis. Non, les plantes, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, faire plaisir avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 27 octobre, Gamme Vert vous propose la jardinière de 30 cm composée de 3 plantes pour 9,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. 6h30, bienvenue dans le double expresso RTL2. Les infos, c'est tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Alors comment lutter contre les violences scolaires? Les ministres de l'éducation et de l'intérieur Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner présentent aujourd'hui un plan d'action en ce sens. Cela fait suite au braquage d'une enseignante par un élève la semaine dernière. L'une des mesures prévoit de déployer plus de policiers aux abords des écoles, des collèges et des lycées. Le personnel éducatif sera par ailleurs formé aux questions de sécurité et le suivi des ados qui présentent des problèmes de conduite sera renforcé. Toujours plus de chômeurs en France. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a de nouveau augmenté au troisième trimestre, une hausse de 0,5% entre juillet et septembre, soit 16 400 demandeurs d'emploi en plus. C'est le deuxième trimestre consécutif de hausse. De nouvelles accusations visant Georges Tron. Une ancienne attachée parlementaire du maire de Draveil l'accuse à son tour d'agression sexuelle. Au troisième jour du procès de l'ancien secrétaire d'État jugé pour viol en réunion, elle le décrit comme un gourou. Elle dénonce également un harcèlement moral extrêmement violent. Le verdict est attendu à la mi-novembre. Le projet n'est pas totalement écarté. Le gouvernement annonce ce matin qu'il décidera entre 2021 et 2025 s'il lance ou non la construction d'une série de réacteurs nucléaires EPR. Il estime qu'il faut d'abord en abaisser les coûts. À l'étranger, la chasse à l'homme aux États-Unis qui est engagée, le FBI enquête pour retrouver là où les personnes qui ont envoyé 10 colis piégés à des personnalités anti-Trump ces deux derniers jours. Hier, c'est l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden qui ont été visés. Selon le New York Times, la piste s'oriente du côté de la Floride. La terre a tremblé cette nuit au large de la Grèce. Un séisme de magnitude 6,8 en mer Ionienne. Électricité coupée, glissement de terrain et bâtiments endommagés. Il y a quelques dégâts matériels, mais apparemment aucune victime. Allez, on passe au sport et en foot. J-2 avant le Classico. Dimanche soir, Marseille accueillera le Paris Saint-Germain au Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Ce soir, Saint-Étienne se déplace à Nîmes. On passe à la météo. Lever du jour, la grisaille, souvent accompagnée de brouillard comme hier, recouvrera les deux tiers nord du pays et l'ensemble du sud-ouest. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, le ciel sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages sur la Côte d'Azur et la Corse. En fin de matinée, une perturbation apportera un petit peu de pluie de la Bretagne aux Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel restera assez nuageux sur les trois quarts du pays. En revanche, il fera beau dans le sud-est. Les températures sont en baisse, 5 degrés à Limoges ce matin, 6 à Auxerre, 10 à Dunkerque, Caen et Crozon, 14 à Biarritz, 16 à Ajaccio et 17 à Nice. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Épinal, 12 à Amiens et au Mans, 13 à Paris et 20 à Alès. 6h33, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon réveil, je vous ai trouvé un lien entre l'armée américaine et le double expresso RTL2, ce sera mon winner du jour. Pas mal, hein? Intéressant. Après Imagine Dragons. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna. Natural dans le double expresso RTL 2. Leur nouvel album sort le 9 novembre. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur le huffpost.fr. Exactement. J'ai trouvé un point commun entre l'armée américaine et le double expresso. Ah. Alors attends, je reviens de Jérémy parce qu'on n'a pas préparé le truc. Est-ce que par hasard, comme ça en étant malin, ouvre ton micro, papa. Je me suis dit, oui. Est-ce qu'il a le générique de Top Gun? Non, il ne l'a pas. Ah, pas du tout. On a réussi à piéger Jérémy. Écoutez, non, écoutez, le cherche pas, écoute-moi. Regarde-moi, écoute-moi. Écoutez bien, parce que c'est assez incroyable cette histoire, je vous assure. C'est l'US Air Force qui est au cœur d'un scandale parce qu'en fait, les pilotes américains boivent leur café en plein vol. Alors vous imaginez bien que dans des avions, c'est hyper compliqué de boire un café. Et le gobelet qui contient le café coûte 1 200 $. Bah. C'est un gobelet en or. Donc du coup c'est un scandale parce qu'ils disent c'est pas possible de dépenser les deniers publics comme ça. Les gobelets en fait ne sont pas d'ordinaire tasse à café en porcelaine. En fait il y a un alliage spécial de cuivre et de chrome. Et le plastique n'est pas en place. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as cassé, faut racheter le mug. à 1200. À 1200 dollars. Alors, ah oui. Évidemment, ça coûte un peu cher. Il est passé de 693 dollars en 2016 à 1220 en 2018. Donc, il y a quand même des sénateurs qui ont exigé d'explications pour dire non, mais les gars, vous êtes sympas, c'est pas possible. Et il faut quand même savoir, et ça, je vais demander ça à la direction, qu'ils soient équipés d'une prise qui permet de les brancher directement sur le système électrique de l'avion pour garder le café à bonne température. C'est-à-dire que l'alliage coûte c'est un prix, le plastique coûte deux prix et la prise USB coûte trois prix. C'est quand même absolument incroyable. S'ils veulent, on a des mugs du double expresso. 1000 euros, tarif d'habit. On va le marché. Vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, le vrai scandale, c'est ça. Dans Top Gun 2, peut-être qu'ils vont le lire. Regardez mon mug. Il est pas beau mon mug. Ah, ça serait bien. Bref, le scandale du jour, c'est qu'un mug des pilotes de l'armée de l'air coûte 1200 dollars. Hallucinant. Ah ouais, c'est assez hallucinant. On va s'en remettre quand même assez rapidement. Hein. Ça va pas nous gâcher le week-end. On va pas, mentir là, il y a un moment. Mais je vais même te dire, ça va même pas nous gâcher la prochaine demi-heure. Voir je même ne pense pas non plus. Les trois prochaines minutes. Voici Dizzy, You Gotta Be dans le double expresso RTL2. Bon réveil. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. C'est parti, on va pas se mentir, on va vous le dire, on se pèle. À partir de demain, on a des températures vraiment hivernales. Mais ça va remonter la semaine d'après. Bon, j'arrête, je fais pas mon point météo. Evelyne Delia. Mais je me suis renseignée. Parfait. Elle a ses infos, elle a ses sources. Elle connaît du monde. Moi, je connais. J'ai mon petit réseau. Je connais Muse, moi. Enfin, Mathieu Bellamy, c'est un pote. Ouais. C'est deux, trois petits textos. On n'a pas les mêmes amis. Non, mais bon, il m'a dit, je sors un album le 9 novembre aussi. Je t'ai entendu parler d'Imagine Dragons. Ah. Sache que moi aussi, je sors un album. J'ai dit, ok, pas de problème. Puis il y aura Bruce Springsteen. Ça, c'est ton ami à toi. Tu nous l'as ramené dans l'émission. Il arrive dans quelques secondes. Ma brossinette, elle arrive dans 5 minutes. Sur RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Cofidis et Éric Jean-Jean présentent Préjugé numéro 16. Les intervieweurs de stars prennent la grosse tête. Mais bonjour à tous les fans. Ah non, c'est trop d'honneur les gars. Bon, vous insistez, d'accord, mais faites vite parce qu'après j'ai une interview. Parce qu'avec mon emploi du temps, c'est pas toujours facile. Vous voulez que je change de profil pour la photo? Non mais faites vite parce que après... Moi, Éric s'il te plaît, tu veux bien te pousser maintenant. Les photographes, ils sont là pour t'en inviter. Ah ouais, ok. Mais un petit selfie quand même, un petit. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Changez votre regard sur les préjugés. Et donc, vous êtes cascadeur depuis combien de temps ? Ça fait 30 ans que je sillonne les routes dans ce van de tournage en tournage. C'est dangereux comme métier, non ? Bien sûr, mais le risque, c'est toute ma vie. Oh, vous vous arrêtez au passage à niveau, vous ? Allez, on a un peu de temps. Les barrières sont en train de se baisser. C'est hors de question. Franchir un passage à niveau lorsque les feux clignotent et l'alarme sonne, c'est pas une cascade, c'est la mort assurée. Le feu rouge clignote, l'alarme sonne, arrêtez-vous. Ne risquez pas votre vie au passage à niveau. Ceci est un message de SNCF Réseau et de la Sécurité routière. Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les plantes, c'est moi. Ah bah c'est simple, hein, je suis incollable. Petit biscus, crise d'antenne, robot dindon. Incollable, je vous dis. Non, les plantes, c'est moi. Et Gamme Vert. Et oui, faire plaisir avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 27 octobre, Gamme Vert vous propose la jardinière de 30 cm composée de 3 plantes pour 9,95€ seulement. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Le son pop rock RTL2 vous accompagne partout avec l'appli RTL2. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Je déconne. Je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Et dans mes yeux tu le lis. Je ne suis qu'un homme qui n'a pas appris à dire non. No. C'est le double expresso RTL2. Vous souhaite un bon début de vendredi matin. Bon courage, le week-end approche, les vacances peut-être. Puis on va jouer. On va jouer au tube de la brosse à dents, là, juste après Muse. C'est Bruce Springsteen qui se prépare. Il est plus beau que jamais pour gagner vos vacances avec Bellambra. 2000 euros de gains au 32-28. Voici Muse, Tough Contagion sur RTL2. Identity, fragments and scattered debris. Fallen contagion. Christophe Cantejan sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Bonjour Rui, comment ça va ? Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Rui, ça va ? Oui, ça va super bien. Bon, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes à Vinsobres, c'est ça ? C'est près de Montélimar ? Oui, tout à fait. Et vous êtes debout très tôt, dites-moi. Hein ? Ben oui, ben forcément je vous écoute. Donc, c'est bien, ça fait tôt. Hein. Eh, ça fait plaisir, forcément. Vous partez travailler ? Après, oui, vers 8h30. Oh oui, je lève tôt. On a encore le temps. Mais je connais pas votre prénom, j'ai jamais entendu. Tranquille le matin. Mais si, Rui, tu sais, comme dans Rui Blas. Ah, bien sûr. Rui Y, mais si. Non ? Bah non, je connaissais pas. Bon, bah, c'est non, joli. Bah, oui, ouais, c'est joli, hein. C'est étonnant. Bon, alors, merci. Dites-moi, Rui, parce que là, Justine et moi, on parle de votre prénom, mais vous avez un objectif, c'est gagner vos vacances pour la famille, évidemment. Ah, bah, ce serait plutôt cool, oui. Un séjour pour 4 personnes en Club Bellambra, 2000 euros le séjour. Vous choisissez mer, montagne et 58 destinations en France. Vous allez devoir reconnaître la chanson chantée par Bruce Springsteen. Salut Bruce. B-R-O, 2-S-E. Oui, mon nom à moi c'est Bruce. Oui, tu l'as deviné. Mais vous êtes Bruce. Oh yeah. Mais vous êtes Bruce. Oh yeah. Son petit sketch quotidien. Eh ouais, j'adore. Mais ça comment, va, mon Rui ? Comment dans votre tête, ouais, mon cher Bruce ? C'est génial, Bruce. Vous pouvez vous dire, je vais chanter Benny B dans le double expresso. J'ai un talent. Je suis un multi-artiste. Allez, chantez. Bonne chance, Rui. Merci. Alors oui. Bon, j'ai reconnu Hot Stuff, mais je suis pas sûr. Non, vite. Ah ben. Prends de la pop. Je veux pas. Oh non, bah c'était Michael Jackson. J'étais pas ici, j'ai reconnu Hot Stuff. Ah non, c'était pas Hot Stuff du tout. Ah non, oh, je suis déçu. Rui. Non, c'est... En plus, il a fait plein de. Comme ça. Je sais très bien Michael Jackson aussi. Oui. Des années d'imitation. Bon, écoutez, vous ne repartez pas les mains vides, on a des cadeaux pour vous. Vous repartez avec le mug du double expresso RTL2, également la réédition du premier album des Cranberries et également le DVD du film Le Doudou avec Kad Merad et Malik Bentala. Bon bah voilà. Eh ben génial. On vous envoie tout ça. Merci à Bruce quand même. On vous embrasse. Ça veut dire rien, mon Rui. On vous souhaite une bonne journée, Rui, et. Gros bisous, Rui. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2 ? Un double expresso. You'll never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be. I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Please, I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me. Love Pop, Michael Jackson dans le double expresso RTL de Dirty Diana. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. 6h56, Jonathan O'Donnell, je te présente Justine Salmon. Justine Salmon, je te présente Jonathan O'Donnell. Enchanté, Justine. Bonjour, regarde Drez. Ils nous ont fait une telenovela, c'est magnifique. Hein. Il est au Théâtre Beau-Saint-Martin tous les dimanches à 18h30. Si vous êtes sur Paris, allez le voir. Et à Lille, au mois de novembre. Ah bah très bien. 9 et 10 novembre à Lille, au Spotlight. Venez. Bah, venez. Ça veut dire que tu ne seras pas là pour l'émission? Ah non, c'est un vendredi soir, un samedi soir, donc je suis là pour l'émission. Ah, je préfère ça quand même. Vous avez vu la peur dans ses yeux, bah, tu sais, dans le ton de sa voix. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Je sais, je sais. Bon allez, on file en Angleterre. Deux hommes ont réussi à voler une voiture Tesla à l'aide d'une simple tablette en déchiffrant le signal de la clé. Ah ouais. Classiquement, comme ça, très fort. Hein, parce que moi déjà, juste me connecter au Wi-Fi, il me faut 3 essais. Et pourtant j'ai le code, hein, donc vous voyez, c'est un peu... Mais on parle pas assez du drame des majuscules, bah minuscules, oui, des O et des zéros dans les codes. La magie des codes. Bah oui, bah voilà, incroyable, c'est compliqué. Ça. Alors, félicitations à eux quand même, même si c'est pas bien. Bon, allez, on file dans le Loire-Atlantique, Justine. La Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique. Parce que le Loire, c'est un animal. Autant pour moi, Justine, je m'excuse. Une femme de 55 ans, habillée en soldat du feu, a été interceptée par les gendarmes alors qu'elle était au volant d'un camion de pompiers dans une caserne. Ah, tranquillement. La mère Michel a perdu son chat, mais elle a décidé de prendre les choses en main quand même. Hein. Et à un moment donné, il va falloir le retrouver. Bon. Et on reste dans la Loire-Atlantique, à Nantes. Un homme de 35 ans a été condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir envoyé 4286 SMS à son ex en 6 mois. Oh là là. Ce qui fait, hein, j'ai calculé, 23 SMS par jour pour dire toujours la même chose. Donc ma mère risque donc la prison officiellement. Hein, Merci Jonathan. On te retrouve tout à l'heure, 8h55. Oui. Tu restes dans l'émission, on écoutera Jacob Banks et puis Francis Degut, la légende, la voix de Pop Rock Station, sera avec nous ce matin pour nous parler d'un très beau voyage. À tout de suite sur RTL 2. Salut, c'est Eric Jean-Jean. Enfin, ce qu'il en reste à cette heure-ci. Oui, je sais, vous êtes en pleine forme parce que vous écoutez le double expresso RTL 2. Mais en fin d'après-midi, à partir de 16h, c'est moi qui vous ramène à la maison avec le drive RTL 2. Du son pop-rock, des jeux, des infos sur le son pop-rock, des interviews, des découvertes et encore du son pop-rock. Bref, à 16h, je serai réveillé. Enfin, peut-être. Tous les jours, 16h-19h, le drive RTL 2. Allô patron ? Alors c'est vacances ? Eh ben il y a un séjour à Agadir sur Lidl Voyage, à l'hôtel La Branda à Madil Beach 4 étoiles, à partir de 399€ par personne, directement sur la plage et avec un parc aquatique pour les enfants. Ouais, mais c'est moi qui pars. Lidlvoyage.fr, le vrai prix de vos rêves. Séjour Agadir 8 jours 7 nuits en chambre double en formule tout inclus à partir de 399€ par personne. Offre exclusive, départ de Lyon le 8 décembre 2018. Offre valable du 23 au 29 octobre 2018, inclus sous réserve de disponibilité. Plus d'informations et conditions sur Lidl-voyage.fr. Quand vous postez une offre sur la plupart des sites de recrutement, vous recevez beaucoup de candidatures. Je suis le directeur commercial dont vous avez besoin. Mais lorsque vous postez une offre sur Indeed, vous obtenez une sélection de candidats qui correspondent vraiment à vos besoins. Je suis directrice commerciale diplômée en commerce international et je parle couramment japonais. Sur Indeed, vous pouvez définir des questions de présélection afin de ne retenir que les candidats qualifiés. Et pour encore plus d'efficacité, Indeed propose des offres d'emploi sponsorisées. Rendez-vous sur indeed.com/offres pour bénéficier de 50€ offerts. Les conditions générales s'appliquent et sont disponibles sur notre site. Imaginez un canapé de rêve, avec des tissus de rêve, des lignes de rêve et des finitions de rêve. Imaginez qu'il puisse se convertir en un lit de rêve avec un matelas de rêve pour y faire de beaux rêves. Et tout cela à prix de rêve. Eh bien, vous ne rêvez pas. En ce moment, chez Poltron et Sofa, une nouvelle collection de canapés convertibles est à moins 60%. Et profitez également de prix de rêve sur tous nos autres canapés lits. Poltron et Sofa, les artisans de la qualité. Intersport. Quand on lui propose d'aller faire du sport, Lucie répond « Ah, je peux pas, j'ai un rhume. » Mais depuis qu'elle a profité des Sporting Days... Un footing, ok. Avant la gym, après la muscu... Chez Intersport, du 22 au 27 octobre, ce sont les Sporting Days. Grâce à votre carte Intersport, profitez de moins 25% sur les vêtements et les chaussures. C'est 25% de réduction et 100% de sport en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Sporting Days, jour sportif. Parce que chez Castorama, on sait qu'une envie de changer de cuisine peut vous tomber dessus n'importe quand. On a décidé qu'à partir de maintenant, les cuisines de qualité à prix bas, c'est tous les jours. Comme cette cuisine Gossip qui baisse son prix de 529€ à 399€ pour toute l'année, avec ses façades brillantes et ses 8 coloris disponibles, et surtout garantie 15 ans, pas moins. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. 399€ le plan type. Prix baissé en cours d'année, valable jusqu'au 31 décembre 2018. En route vers le week-end ou les vacances. Eh hey, coucou, il est 7h. C'est RTL 2. Le son pop rock non-stop. RTL 2. You touch Shania Twain et Jacob Banks après les infos de Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. La France bat des records de sécheresse. Cela faisait 30 ans qu'on n'avait pas connu ça. Plus des deux tiers du pays sont touchés par la sécheresse. Depuis le 15 juin, il est tombé un peu plus de 170 mm d'eau sur la France, soit la deuxième plus faible quantité depuis 1959. À Paris, on a compté que 15 mm de précipitation depuis le 1er septembre, le chiffre le plus bas jamais enregistré. Un autre chiffre inquiétant, selon l'Union nationale de l'apiculture, 30% des colonies d'abeilles sont mortes l'hiver dernier en France, soit un taux de mortalité multiplié par 3 par rapport aux années précédentes. Les apiculteurs pointent du doigt les pesticides utilisés par les agriculteurs qui déciment les insectes. Le gouvernement assume la hausse du carburant. En un an, le prix du diesel a grimpé de 23%, celui de l'essence de 14%. En cause la hausse du coût du pétrole, mais aussi l'augmentation des taxes sur le gasoil. Les automobilistes appellent à bloquer les routes et les autoroutes le 17 novembre. Et ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe dit assumer. L'augmentation, dit-il, va même se poursuivre. Toujours aucune arrestation aux États-Unis. Hier, de nouvelles personnalités anti-Trump ont reçu des colis piégés à 2 semaines des élections de mi-mandat. L'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden ont été visés. La Maison-Blanche, elle, accuse les médias. Allez, on passe au sport. Très mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue Europa. Bordeaux a été battu 2-1 par le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la 3e journée de la phase de groupe. Défaite de Rennes dominée 2-1 également par le Dynamo Kiev. Enfin, Marseille s'est incliné 3-1 face à la Lazio Rome. Pour les Girondins et l'OM qui sont derniers de leur groupe, la qualification pour les 16e de finale paraît compromise. Marseille qui a rendez-vous dimanche soir avec le PSG en clôture de la 11e journée de Ligue 1. D'ici là, Nîmes reçoit Saint-Etienne ce soir à 20h45. Et puis ça y est, on connaît le parcours du Tour de France 2019. Il comptera 21 étapes, 4 ascensions, une trentaine de cols et 2 contre-la-montre. Le départ se fera à Bruxelles le 6 juillet. Enfin, c'est aujourd'hui que sort le nouvel album d'Eagle Eye Cherry, oui. Streets of You, avant-goût dès ce matin en live dans le Double Expresso. Rendez-vous juste après 8h sur RTL 2. Ça va être bien, deux lives. Ça va être trop bien. La météo, c'est moins bien. Au lever du jour, la grisaille, souvent accompagnée de brouillard, recouvrera les deux tiers nord du pays et l'ensemble du sud-ouest. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, le ciel sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages sur la Côte d'Azur et la Corse. En fin de matinée, une perturbation apportera un petit peu de pluie de la Bretagne aux Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel restera assez nuageux sur les trois quarts du pays, à l'exception du sud-est. Les températures sont en baisse, 6 degrés à Amboise ce matin, 7 à Nancy et Charleville-Mézières, 9 à Paris, 10 à Lyon, 11 à Aix-en-Provence, 13 à Bayonne et 17 à Porto Vecchio. L'après-midi, on attend 12 à Lille, 13 à Bourges et Landerneau, 15 à Bourg-en-Bresse et 19 à Montpellier. 7h03, bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Et bonjour la fine équipe du Double Expresso RTL2. Bonjour. Max qui est aux réseaux sociaux, Jonathan Donnel, Jérémy qui réalise l'émission, oui. Jules, Anaël, Clara, évidemment tout le monde est là, on est ravis de vous accueillir. Équipe. Jacob Banks sur RTL2. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh no. I know I done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured. Tell me you've been betrayed. What I've done to you. Even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me. Say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how we started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Yeah. Gims. Son nouvel album Village sortira le 2 novembre prochain, c'est vendredi prochain. Il sera au Trianon avec Paris le 15 décembre prochain. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le Double Expresso RTL 2. Bonjour à tous et bienvenue dans le Double Expresso RTL 2. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Alors c'est vendredi, d'abord on aime le vendredi parce que ça sent bon le week-end, ça sent bon les vacances pour certains d'entre vous, ça sent bon l'invité du vendredi avec dans moins d'une heure, Eagle Eye Cherry. Oui, il sera avec nous à partir de 8h. Voilà, il sera en live avec deux titres, mais nous avons déjà un invité dans ce Double Expresso. C'est une voix familière et légendaire de RTL 2, c'est Francis Zégut. Salut Francis. Bonjour à tous, j'ai dormi ici. Oui, c'est ça. Ah oui, t'as fini hier, t'es resté. Alors du coup, première question, le canapé est-il confortable? Oui, on peut dormir, faire de la petite sieste, c'est très sympathique. Ouais. Tu as une mine resplendissante. Merci. Cachée par la barbe aussi, évidemment, oui, ça aussi. Aide. Bon Francis, c'est un plaisir de t'accueillir, j'ai envie de te dire comme tous les ans dans ce Double Expresso, puisque tu reprends la route direction la mythique route 66 aux États-Unis pour un nouveau It's the Road avec nos copains de Triomphe. Absolument, ça se passe entre le 20 avril et le 6 mai, on va faire toute la route 66, c'est-à-dire partir de Chicago jusqu'au Pacifique, la plage de Santa Monica, en traversant tous ces états, en faisant des jolies découvertes. Pas prendre intégralement la route 66 parce qu'il y a des morceaux, des tronçons qui n'existent plus, mais là où on pourra la prendre, on la prendra bien évidemment. Tu vas nous raconter tout ça évidemment, puisque tu es avec nous ce matin dans ce Double Expresso RTL 2. Pour le moment, c'est une jeune femme que j'appelle depuis des années, Shania Twain. Et Francis peut confirmer, c'est Shania. Bien, absolument. Et bien sûr. Shania. Non, Justine, je vous écoute les garçons, Shania Twain. Ah yes. Bon réveil. Who thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, I know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Got a car that don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm. Don't impress me much. Uh-huh, yeah. Okay, so what do you think? You're Elvis or something? That don't impress me much. Shania Twain, that don't impress me much, dans le Double Expresso RTL 2, 7h11. Ça va toujours, Justine? Pleine forme aujourd'hui. Francis Zégut est à la machine à café. Il revient. Hein. Il est évidemment notre invité ce matin dans le Double Expresso RTL 2. On écoutera aussi Ta Modèle et U2. Ne bougez pas. RTL 2 présente Boulevard Désert en concert très très privé le 16 novembre à Toulouse dans le cadre exceptionnel du musée Aéroscopia. Si je reste ici. Salut, c'est Boulevard Désert. Retrouvez-nous en concert très très privé RTL 2. Dès que vous entendez un titre de Boulevard Désert, soyez les premiers à appeler RTL 2 au 3228. Et gagnez le transport, l'hôtel et vos invitations pour leur concert très très privé RTL 2. RTL 2, c'est le son pop rock. 50 centimes la minute, plus prix de l'appel. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Mais qu'est-ce qui te prend? Eh ben le compte à rebours a commencé. Comment ça? Pendant seulement 6 jours, Samsung rembourse 300 euros sur les lave-linges Quick Drive. Quick Drive, le lave-linge ultra rapide ? Le lave-linge ultra rapide. 300 euros ? 300 euros. Seulement 6 jours ? Seulement 6 jours. Eh ben alors vite ! Attends-moi. Mais oui, vite ! Jusqu'au 31 octobre, profitez des 6 jours exceptionnels Samsung Quick Drive. 300 euros remboursés sur tous les lave-linges Quick Drive en modèle 7 kg. Voir détails de l'offre sur samsung.com. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Chaud les prix du week-end ! Chaud ! Approchez, messieurs, dames, ils sont chauds, mes prix du week-end ! Madame, un prix du week-end ? Dès aujourd'hui, le filet de marron du Périgord itinéraire des saveurs est à 3,99€ et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le filet de 1 kg, calibre G2, catégorie 1, origine France. Ce week-end, vos champions ont rendez-vous au Camp Nou. Il y va seul, Ousmane Dembélé ! Pour le match qui fait vibrer la planète football. Oui, c'est frappé au premier poteau sur la tête de Raphaël Varane ! Le Classico, FC Barcelone-Real Madrid. Karim Benzema, la frappe enchaînée ! Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans Beansport. Dimanche, vibrez avec le Classico, le vrai. FC Barcelone-Real Madrid, en direct et en exclusivité sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Tous les jours, partout en France. RTL2, le son pop rock. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Hey, yeah, hey, yeah, hey, well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve. But I guess you look happier, you do. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. 7h16, bonjour à tous, bonjour l'équipe, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. On va parler avec Francis Zégut. Il est comme chez lui, tu vas me dire, il est chez lui, il est dans les couloirs, il papote avec tout le monde. Il n'arrête pas. Ben, j'ai un petit chiffre à vous donner. Sachez que 4,4 milliards d'euros, c'est la somme par an que les Français dépensent pour leurs animaux de compagnie. Ah oui, c'est. Ah oui, quand même. Poussette, hamac, laisse. Quelle idée. Pour cumuler. Ah mais, ouais, mais ça coûte un bras. Bah ouais, ça coûte un bras. Tu t'es lâché là. Ça coûte un bras. Bon bah voilà, c'est le petit chiffre du matin. On parle voyage avec Francis juste après U2 sur RTL2. Street have no name. Il est tôt et pourtant il est là avec nous, c'est Francis Aigut, Pop Rock Station, chaque soir 22h minuit sur RTL2. Ta bonne mine, on le disait il y a quelques minutes, et puis surtout cette bonne mine va être cachée par un casque pour rouler sur la route 66 à partir de 2019, et on peut te rejoindre sur la route 66. Alors c'est fin du mois d'avril, le 20 avril jusqu'au 6 mai. Effectivement, il y a une adresse, c'est RTL2America.fr, voilà, tout okay. Simplement. Et là, on a les informations, les modalités, bien évidemment, pour ce fantastique road trip. Ouais. Et tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Alors, permis moto. Non, ouais, non seulement on peut faire de la moto, mais on peut faire de la décapotable américaine. Ah ouais, on peut partir en voiture, en van à plusieurs. Il y a une formule. C'est génial. Oui, absolument. C'est pas que des motards. Non. Il y a voiture, si vous n'avez pas le permis moto. moto ou vous prenez une voiture tout simplement. C'est génial. Et évidemment, dans le pack inscription, il y a les billets d'avion, la location de la voiture, du van, tout ça. Il y a l'hôtel, des activités, bien évidemment. Et il y a toi aussi. Oui, moi, écoute. Francis, quand même, pardon. La base. La barbe au ventre, tu sais. J'enverrai des photos sur les réseaux sociaux, mais ça fait ça en règle générale. Et tu parles de photos, c'est aussi ton autre passion. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais quand il y a des compiles qui sortent ou quand tu es en voyage, à chaque fois, il y a de très belles photos. Voilà, oui, sur Baïzégut, tout simplement, sur l'Instagram. Oui, c'est une autre expression artistique dans laquelle je prends beaucoup de plaisir et que je partage sur les réseaux sociaux. Bon, bah, venez partager la route 66 avec Francis Zégut. Vous allez faire un voyage inoubliable et on est fiers, en tout cas, que chaque année, on puisse proposer ça à nos auditrices et nos auditeurs. C'est quand même un beau voyage, hein. Alors, c'est rtl2america.fr pour les modalités, bien sûr, et les renseignements. Et on va mettre le lien sur la page Facebook de l'émission pour vous inscrire. Voilà. C'est okay. Parfait. Merci, Francis. Bah, je reste là, je vais dormir. Oh, bah, ouais, reste dans le coin, on fait un très bon café. Merci. Un double expresso RTL2. Je préfère le petit chocolat qui est pas mal. Ouais, bah, allez, je m'en occupe. Un double expresso, ça suffit. Bonne journée. Bonne journée, mon Francis. Tous. Ciao. I wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my night. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Si vous êtes fan, son nouvel album Jubilee Road, il sort aujourd'hui. Il sera en concert au Bataclan à Paris le 19 janvier prochain. On y va pour l'horoscope ? Médaille de bronze, Justine, on attaque avec les balances. Tiens. Vous passez trop de temps au travail, les balances. Respirez un peu. Les sagittaires. Ne prenez pas les critiques trop à cœur. Capricorne. Attention à ne pas être tête en l'air. Nous passons aux médailles d'argent, elles sont nombreuses. On commence avec les béliers. Vous allez pouvoir profiter pleinement de votre week-end. Les gémeaux. Pour vos proches, vous êtes un vrai rayon de soleil. Les taureaux. Aujourd'hui, vous faites rire tout le monde. Cancer. Vous êtes efficace sur toutes les tâches que l'on vous donne. Les lions. La bonne humeur qui vous habite rend les autres heureux. Les vierges. Votre patience sera très vite récompensée. Les verseaux. Voilà une journée idéale pour entamer des projets. Poissons. Attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle. Et la médaille d'or du jour, Justine, c'est pour ? Pour les scorpions, vous êtes d'humeur joyeuse et vous avez envie de profiter pleinement de la vie. Votre week-end sera mémorable. La chanson du jour, elle aussi, sera mémorable. Sacré, sacré souvenir, hymne très important des années 80. Comme ça, je vous dis. Puis on écoutera Maroon 5. This Love, et puis pour la banque RTL2, vous nous appelez 3228, on vous offre des séjours au parc Astérix, des téléphones, enfin des smartphones même, et on peut gagner jusqu'à 10 000 euros sur RTL2. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan chez Conforama. La télé Samsung 138 cm Ultra HD est à 499 € au lieu de 699. Un grand écran à ce prix-là, c'est cadeau. Conforama, 200 € remboursés par Samsung jusqu'au 4 novembre. Conditions en magasin sur Conforama.fr. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh ben ils ont élu Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous, patron ? Ah, on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. Reçu à 20h10. Ouais, ma chérie, j'ai enchaîné les réunions, j'ai pas mangé. Et alors mes collègues ? Bon, j'arrive devant l'hôtel Ibis Budget, là, je te rappelle. Reçu à 20h12. Ouais, donc ma journée était chargée, mais bon, c'est normal de travailler. Et puis moi, j'aime mon travail. Alors, Ibis Budget, chambre 11, je te rappelle. Reçu à 20h20. Ah, ma journée était agréable, mes collègues sont géniaux. Tellement dommage que tu sois pas là. Ibis Budget, le meilleur rendez-vous de votre journée. À partir de 37 € la nuit dans plus de 300 hôtels partout en France. Sous réserve de disponibilité, conditions sur ibis.com. Merci. Seal Team, votre nouvelle série avec David Boreanaz, débarque sur M6. Le héros de Bones incarne Jason Hayes, officier chef de la plus haute unité d'élite américaine, les Navy Seals. Va falloir aller vite et fort. Mais pour ces soldats surentraînés, difficile de concilier vie professionnelle et personnelle. Même quand t'étais là, tu n'étais pas là. Seal Team, votre nouvelle série, c'est tous les samedis à 21h sur M6. Oh, oh. Elle s'attaque à la notice. Lui, il fonce tête baissée. Oh, il manque une étape. Oh là là, c'est une ouverture pour elle qui rattrape son retard. La voilà au bout, mais oh, non, il lui reste une vis. Oh, la fameuse vis en plus. Oh, ce concours de montage de meubles IKEA s'annonce très serré. Pas de temps à perdre. Rendez-vous chez IKEA le samedi 27 octobre pour fêter nos 75 ans en participant au concours de montage de meubles et tenter de gagner un séjour pour deux en Suède. Profitez aussi de nombreuses offres exceptionnelles. IKEA. Plus d'informations en magasin et sur IKEA.fr. Excusez-moi, le plat du jour, s'il vous plaît. Eh bien, le plat du jour, c'est... L'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les 5 kilos de pâtes Tortinetto sont à 2,50€. 2,50€ les Tortinetto. Netto, le discounter qui fait la différence. L'eau de 10 x 500 grammes soit 50 centimes le kilo. Magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. 7h30, l'heure des infos dans le double expresso RTL2, c'est avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Comment lutter contre les violences scolaires ? Les ministres de l'Éducation et de l'Intérieur, Jean-Michel Blanquer et Christophe Castaner, présentent aujourd'hui un plan d'action en ce sens. Cela fait suite au braquage d'une enseignante par un élève la semaine dernière avec une arme factice. L'une des mesures prévoit de déployer plus de policiers aux abords des écoles, des collèges et des lycées. Le personnel éducatif sera par ailleurs formé aux questions de sécurité. Le suivi des ados qui présentent des problèmes de conduite sera renforcé. Toujours plus de chômeurs en France. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a de nouveau augmenté au troisième trimestre. Une hausse de 0,5% entre juillet et septembre, soit 16 400 demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est le deuxième trimestre consécutif de hausse. De nouvelles accusations visant Georges Tron. Une ancienne attachée parlementaire du maire de Draveil dans l'Essonne l'accuse à son tour d'agression sexuelle. Au troisième jour du procès de l'ancien secrétaire d'État jugé pour viol en réunion, elle le décrit comme un gourou. Elle dénonce également un harcèlement moral très violent. Le verdict est attendu à la mi-novembre. Le projet n'est pas totalement écarté. Le gouvernement décidera entre 2021 et 2025 s'il lance ou non la construction d'une série de réacteurs nucléaires EPR. Il l'annonce ce matin. Il estime qu'il faut d'abord en abaisser les coûts. Une chasse à l'homme aux États-Unis. Le FBI enquête pour retrouver là où les personnes qui ont envoyé 10 colis piégés à des personnalités anti-Trump ces deux derniers jours. Hier, c'est l'acteur Robert De Niro et l'ancien vice-président démocrate Joe Biden qui ont été visés. Selon le New York Times, la piste s'oriente du côté de la Floride. La terre a tremblé cette nuit au large de la Grèce. Un séisme de magnitude 6,8 en mer Ionienne. Électricité coupée, glissement de terrain, bâtiments endommagés. Il y a quelques dégâts matériels, mais apparemment pas de victimes. Les sports et en football, J-2 avant le Classico. Dimanche soir, Marseille accueillera le Paris Saint-Germain au Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Ce soir, Saint-Etienne se déplace à Nîmes. Marseille qui a été battue 3-1 par la Lazio-Rome à l'occasion de la 3e journée de la Ligue Europa. Défaite également de Bordeaux et de Rennes face au Zénith Saint-Pétersbourg et au Dynamo Kiev. La météo, au lever du jour, la grisaille souvent accompagnée de brouillard recouvrera les deux tiers nord du pays et l'ensemble du sud-ouest. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, le ciel sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages sur la Côte d'Azur et la Corse. En fin de matinée, une perturbation apportera un petit peu de pluie de la Bretagne aux Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel restera assez nuageux sur les trois quarts du pays, à l'exception du sud-est où il fera beau. Les températures sont en baisse, 5 degrés ce matin à Limoges, 6 à Auxerre, 10 à Calais, à Caen et à Quiberon, 14 à Biarritz, 16 à Aléria, 17 à Cannes. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Épinal, 12 à Amiens et à Tours, 13 degrés à Paris et 20 degrés à Avignon. 7h32 et c'est vendredi. Du coup, Justine, ce soir, fait la fête. Oh, pardon, oui. pardon, j'ai révélé un secret. Bah, oui, ah, Oh là là. Oui, c'est la vrai, boulette. Je fais la fête. Je voulais pas que ta mère l'entende. Oh là là. Bon, de toute façon, même si elle l'entendait pas, les collègues l'auraient entendu puisqu'ils nous écoutent. La famille seulement nous écoute. Heureusement qu'ils sont un peu plus nombreux. Voici Maroon 5, This Love avant la chanson du jour. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane. Never to return again, but always in my heart. Tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Ce matin dans le Double Expresso RTL2. Ils sont partout là où ça compte, évidemment. RTL2, la chanson du jour. Et alors, l'habitude de la chanson du jour du vendredi, on chante, on danse. Alors... Ben exactement, ben, on ne perd pas cette habitude. Non, madame, nous ne perdons pas nos bonnes habitudes. C'est l'une des chansons symboles des années 80. On est en juin 1984. C'est le groupe Bronski Beat, avec la voix de Jimmy Somerville, qui est quand même une icône des années 80. Par la suite, il formera également notamment le groupe Commune Arts. Alors, c'est une chanson. Alors moi, quand j'étais gamin, j'avais quoi? J'avais 8 ans à l'époque, je ne pouvais pas le savoir, mais c'était... c'est un hymne gay, complètement. En fait, c'est d'ailleurs une chanson qu'on retrouve dans le film 120 battements par minute, ouais. Qui avait eu une récompense formidable à Cannes. Formidable film. Magnifique film, avec un remix d'ailleurs dans le film de Robin Campillo. L'histoire, c'est celle d'un garçon d'une petite ville, Small Town Boy, donc un garçon d'une petite ville en traduction littérale, qui est victime d'homophobie et de solitude. Il est incompris par sa famille également. D'ailleurs, on le voit dans le clip, il se fait agresser par un gang, il décide de prendre un train, de s'enfuir tout simplement et de rejoindre les grandes villes où l'homosexualité est davantage tolérée. C'est donc ce qu'évoque cette chanson. C'est une intro entêtante qu'on connaît tous, une voix cristalline, celle de Jimmy Somerville, et c'est donc ma chanson du jour ce matin dans le double expresso RTL2. Voici Small Town Boy, Bronski Beat sur RTL2. Small Town Boy, mais on se rend pas compte hein, quand on grandit, qu'on découvre l'histoire d'une chanson, à quel point on l'écoutait de manière innocente, alors qu'en fait elle a un vrai message cette chanson. C'est dingue hein, ça à chaque fois. C'est planant cette chanson. Ouais, moi ça m'avait fait ça avec Allô Allô Monsieur l'ordinateur de Dorothée aussi. Toi, j'avais au premier degré. Bah forcément. Ouais. En fait, pas du tout, c'était un hymne à la technologie. Ah ouais, incroyable. C'était autre chose. Du coup, Jérémy, c'est Queen qui arrive. Tout à fait. Tu es allé voir le film retraçant la carrière de Freddie Mercury. Comment tu l'appelles ce film ? C'est pas sympa de faire. Vas-y, ça. Comment tu l'appelles ce film ? Bohemian Rhapsody. Il faut savoir que Jérémy, au lieu de dire Bohemian Rhapsody, a dit Bohemian Rhapsody, voilà. Hein, évidemment. Mais on écouterait une autre chanson dans quelques secondes. Comment elle s'appelle cette chanson, Jérémy ? I want to break free. I want to break free. Ça, je m'en laisserai pas. Je trouve ça tellement mignon comme il l'annonce. Le mec ne met pas de R. Il ne met pas de R. Comment, Jérémy ? C'est l'accent, ça. I want to break free. I want to break free, c'est toi, c'est doux. Tout de suite. RTL2 et Triomphe présentent

7h46, c'est le double expresso RTL2. On va jouer à la banque, Justine, avec de très beaux cadeaux une nouvelle fois. Cette semaine, on a des séjours pour 4 personnes au parc Astérix, des iPhone XS également, et bien sûr, jusqu'à 10 000 euros. Ouais, ça peut être 500, 1000, 2000, 3000, 4000, et donc jusqu'à 10 000 euros. Eagle Eye Chéri est déjà là, il se prépare, il fait les balances dans un coin du studio, et il sera notre invité. Et on est déjà en folie, nous. À 8h05, ça va être bien. Voici Queen, I want to break free, ou I want to back free, comme dirait Jérémy, notre réalisateur. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. God knows I want to break. Dans le double expresso RTL2. Il est 8h10. C'est l'heure de la banque RTL2. Et c'est l'heure de retrouver Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Salut Mickaël. Ça va bien? Bonjour, ça va bien et vous? Alors on dit Mick, ça va très bien, merci. On dit Mickaël ou Michael? Comment est-ce que je la joue là? Dites-moi. Mickaël, ça ira, ce sera très bien. Oh non, je voulais faire l'américain. Mickaël de Bernay en Normandie. Non, Michael from Bernay, Normandie. All right, Michael. Vous avez prévu quoi ce week-end, Mickaël? De parler américain. Ce week-end, c'est un petit week-end, je travaille le samedi, donc voilà. Bonne question, Justine Salmon. Vous avez prévu de faire quoi ce week-end? Rien, je travaille. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille à la poste. Ah bah très bien, c'est grâce à vous que les colis sont acheminés. Parfait, merci d'être. Exactement. Avec nous, Mickaël. Oh Mickaël, ouais. Je vois que vous n'avez pas chômé, 4 enfants. Wow. Oui, exactement. Il va falloir les gâter avec la banque RTL2, peut-être jusqu'à 10 000 euros. Vous êtes prêts à affronter les coffres? Attention au coffre vide. Une minute, top chrono. Coffre 1. Une console Xbox One. Eh, c'est bien ça pour la famille. Hein. Oui, mais on a déjà, je vais passer au suivant. Allez. Bon, bah, coffre 2. Le tire-bouchon de Justine. Il a bien été utilisé. Oui, mais on va passer au... Il ne reste plus grand-chose. Hein. Coffre 3. Une tablette Asus. Une tablette numérique. J'ai déjà, on va passer au coffre suivant. Bah oui, mais si vous avez tout, alors bon, américain là. 30 secondes. Oui. Un lecteur DVD. Et déjà. J'ai aussi. Allez, allez. Voilà, coffre 5. Un séjour au parc Astérix. Et ça, vous avez ou pour pas 4 personnes. Non, je prends. On prend ça 950 oui. euros. Allez, le parc Astérix, c'est gagné. Oui ouais. Ah, génial. Bon, va falloir choisir dans les enfants par contre. Courte paille. T'imagines, ce soir, plouf, plouf, et non, tu ne viendras pas. Papa, une bonne nouvelle, tu vas chez mamie. 4 entrées donc pour 2 jours au parc Astérix. Vous allez vivre un moment inoubliable pendant Peur sur le parc jusqu'au 4 novembre avec des maisons hantées, il y a des spectacles de rue, c'est assez incroyable. Hébergement pour 4 personnes, demi-pension et 4 entrées. Bravo, qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre suivant? Un robot pâtissier KitchenAid. C'était un beau cadeau, on aurait fait des gâteaux aux enfants. Le parc Astérix, c'est très bien. On vous embrasse, Mickaël ou Mike, et on vous souhaite un bon courage pour ce week-end. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL de Mickaël? Un double expresso, bien sûr. Promise not to leave, I said I'll never disappear. She knows I'll come back someday. Crying in the bathroom as the mirror disappears. Holding on to fading moments. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. Oh mama, I think I did it again. I got lost in the wind again. No, I'll never leave you heartless. Heartless. Never leave you standing in the dark. Expresso RTL2, il était avec Zaro. RTL2, les savoirs inutiles. Pour épater les copains. Et après Zaro, Zébu. Et c'est le savoir inutile avec Justine. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Un savoir inutile très utile ce matin, puisque ça va vous servir lors de vos lendemains de soirée. On est vendredi et c'est utile. Ouais, voilà. Avec la réponse à cette question, mettre une cuillère sur une bouteille de champagne conserve-t-il ses bulles? Ah, c'est vrai qu'on l'a fait. Franchement, vous avez déjà utilisé cette technique? Oui, la légende. Enfin, moi, je finis toujours le champagne. Mais moi, je l'ai déjà utilisé la semaine dernière même. Ouais. Enfin, pour le coup, j'ai mis une cuillère. 6h du matin. Eh bien, non, mais c'est la fin d'un mythe, c'est une idée reçue. Ah, en bon fait, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Ah, d'accord. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein, en 1995, le Centre interprofessionnel des vins de champagne a fait le test. Quelle était la matière des cuillères? Aucune des bouteilles testées n'avait conservé leur bulle. D'accord. Alors, c'est quoi la bonne technique? Oui, vous allez me demander. C'est boire champagne. De le boire, oui. Mais pour garder les bulles, il suffit de placer votre bouteille à l'abri de la lumière, dans un lieu frais, et tout simplement de mettre un bouchon hermétique qui empêchera le gaz de s'échapper. Mais bouchon, la cuillère, quoi. Moi, vraiment, j'y croyais. Mettez un bouchon, quoi. Ouais, voilà. Ce matin, dans le double expresso, on a appris qu'il fallait mettre un bouchon pour conserver les bulles. Attention, fermez vos bouteilles de Perrier. Non. Tu dis n'importe quoi, les bouteilles attention, de champagne. Une bappe ouverte, les bulles s'échappent. Hein. Les bouteilles de champagne, tu peux pas remettre le bouchon. Donc dis pas n'importe quoi. Mais non, mais un truc hermétique, bien sûr. Bah oui, mais tu n'as pas. Tout le monde n'a pas un bouchon hermétique. Eh ben, je vais en offrir à tous ceux qui le veulent. Bah avec oui, le budget de Justine. Ok. Merci, Juju, évidemment, pour ce savoir inutile du week-end. Ah bah toi, tu m'envoies ça dans la tête. Eagle Eye arrive sur RTL2. Ce week-end, le folk rock est à l'honneur sur RTL2. Like Bob Dylan. Leonard Cohen. Tracy Chapman. Johnny Cash, Ben Harper. Tout ce week-end, dès que vous entendez un titre folk, envoyez par SMS RTL2 au 74 900 et gagnez peut-être notre sélection des plus grands albums du genre. Et dimanche à 19h, une pop rock story spéciale folk sur RTL2. 75 centimes plus coût du SMS. Sur RTL2, c'est bientôt le changement d'heure. Retrouvez les conseils du coach Rosanna pour rester en forme. Le passage à l'heure d'hiver peut perturber votre réveil. Pour passer le cap en douceur, chaque matin, position debout, rentrez le ventre, étirez-vous, main le plus haut possible, relâchez et recommencez. Et surtout, buvez régulièrement Rosanna. Rosanna est une eau minérale naturellement gazeuse, elle contient du magnésium et le magnésium contribue à réduire la fatigue. Mon magnésium, c'est Rosanna. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, allô, patron. T'as la banane, toi, dis donc. Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Aujourd'hui et demain, ils nous font le kilo de banane à 85 centimes. 85 centimes le kilo de banane? Mais ils nous peinent pour qui? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à 2 balles? À 2 balles? Ah non, 85 centimes le kilo, patron. Oh, on est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou anti-française. Vendu en vrac. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Bah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures, RTL2. Panne d'électricité, fuite d'eau ou de gaz? Ne laissez pas un problème technique nuire à votre activité professionnelle. Avec les offres d'assistance dépannage d'EDF Entreprises, électricité, plomberie et gaz, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour un diagnostic téléphonique et une intervention si nécessaire en moins de 3 heures. Pour plus d'informations, contactez-nous au 3022. Appel gratuit. Voir caractéristiques et conditions des offres sur edf.fr/entreprise. Les services d'assistance sont garantis par Europe Assistance. EDF est mandataire d'assurance immatriculé au registre des intermédiaires en assurance. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Dis, c'est bien ton fils qui avait trouvé 100 euros dans le bus et gagné un voyage à Hawaï? Oui, il a une de ses chances. Ça t'embête s'il vient avec moi chez Ikea ce week-end? Hein? Et oui, ce samedi chez Ikea, mettez toutes les chances de votre côté pour tenter de remporter vos achats avec notre jeu concours des 75 ans. Rendez-vous en magasin pour une journée pleine d'animation et de nombreuses offres, comme le canapé Clipane Noir Bumstad 2 places à 249 euros au lieu de 329. Ikea. Voir conditions en magasin et sur Ikea.fr. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour leur sécurité comme pour la vôtre, soyez toujours attentifs. Sécurité des agents des routes. À vous aussi d'écarter le danger. Et bon vendredi matin, les copains du matin. Et vous êtes sur RTL2, il est 8h. Ouais. RTL2. Et avant de retrouver en live Eagle Eye Chérie qui est notre invitée ce matin, elle est notre invitée chaque jour pour les infos, c'est Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Quelle femme. Le gouvernement assume la hausse du carburant. En un an, le prix du diesel a grimpé de 23%, celui de l'essence de 14% en cause de la hausse du coût du pétrole, mais aussi l'augmentation des taxes sur le gasoil. Les automobilistes appellent à bloquer sur les routes et les autoroutes le 17 novembre prochain. Et ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe dit assumer. L'augmentation, dit-il, va même se poursuivre. La France bat des records de sécheresse. Cela faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas connu ça. Plus des deux tiers du pays sont touchés par la sécheresse. Depuis le 15 juin, il est tombé un peu plus de 170 mm d'eau sur la France. C'est la deuxième plus faible quantité depuis 1959. À Paris, on n'a compté que 15 mm de précipitation depuis le 1er septembre, le chiffre le plus bas jamais enregistré. Autre chiffre inquiétant. Selon l'Union nationale de l'apiculture, 30% des colonies d'abeilles sont mortes l'hiver dernier en France, soit un taux de mortalité multiplié par 3 par rapport aux années précédentes. Les apiculteurs pointent du doigt les pesticides utilisés par les agriculteurs qui déciment les insectes. Une action coup de poing des salariés d'Ascoval ce matin. Une trentaine d'employés de l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord en redressement judiciaire bloquent depuis quelques heures toutes les entrées d'un autre site appartenant à leur actionnaire Vallourec près de Maubeuge. 280 postes sont menacés. Allez Raphaël, on passe au sport. Mauvaise soirée pour les clubs français en Ligue Europa, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, Bordeaux a été battu 2-1 par le Zénith Saint-Pétersbourg lors de la troisième journée de la phase de groupe. Défaite de Rennes dominée 2-1 également par le Dynamo Kiev. Enfin Marseille s'est incliné 3-1 face à la Lazio Rome. Pour les Girondins et l'OM qui sont derniers de leur groupe, la qualification pour les 16e de finale paraît compromise. Marseille qui a rendez-vous dimanche soir avec le Paris Saint-Germain en clôture de la 11e journée de Ligue 1. D'ici là, Nîmes recevra Saint-Etienne, c'est ce soir à 20h45. Et puis ça y est, on connaît le parcours du Tour de France 2019. Ah bah quand il comptera 21 étapes, 4 ascensions, une trentaine de cols et 2 contre la montre et partira de Bruxelles. Enfin, c'est aujourd'hui que sort le nouvel album d'Eagle Eye Cherie, Streets of You, avant-goût dans un tout petit instant d'un double écrit espresso. Il est là, il vous regarde faire les infos. La chance. Vous êtes ému. Oui, oui. La météo, lever du jour, la grisaille, souvent accompagnée de brouillard, recouvrera les deux tiers nord du pays et l'ensemble du sud-ouest, du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes. Le ciel sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages sur la côte d'Azur et la Corse. En fin de matinée, une perturbation apportera un petit peu de pluie de la Bretagne aux Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel restera assez nuageux sur les trois quarts du pays. Il fera beau dans le sud-est. Les températures, elles continuent de baisser. 7 degrés à Cognac et à Montbéliard ce matin. 10 à Dunkerque, Yvetot et Saint-Brieuc. 13 à Andailles et à Saint-Florent. 17 à Cagnes-sur-Mer. L'après-midi, on attend 13 à Paris et Orléans. 14 à Sablé-sur-Sarthe et 20 à Orange. 8h03, bonjour à tous et bienvenue dans le double expresso RTL de Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour à tous. Bon vendredi matin à tous, bonnes vacances, bon week-end. Bonjour Max qui est aux réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Jonathan O'Donnell. Voilà, bah bonjour Jonathan O'Donnell. Bah non, toujours pas de Jonathan O'Donnell. On retente. Il est parti chercher. Bonjour Jonathan O'Donnell. Ah, eh non, toujours pas de Jonathan O'Donnell. Cet homme n'est pas un professionnel et vous le retrouverez quand même à 8h55. Je serai là. Il est en train de s'installer. C'est Eagle Eye Cherie. Il est notre invité ce matin dans le double expresso avec deux titres live. À tout de suite et bon réveil. La belle voix de Dolores O'Riordan, les Cranberries, Linger dans le double expresso RTL 2, 8h06. Ce matin, dans le double expresso RTL 2, Justine Salmon et Grégory Hacher reçoivent Eagle Eye Cherry. Et oui, nous recevons Eagle Eye Cherry que l'on applaudit. Hello Eagle Eye. Good morning, bonjour. I know it's early, je sais c'est un peu tôt. Yeah, this is not rock and roll, man. You will see, it's a great show. We are very kind people. On est vraiment sympa. C'est une belle émission. We are happy to have you with us this morning. No, we're very happy to be here. Il est très heureux, lui aussi. It's a big day for me, you know. Yeah, it's a big day. C'est un grand jour pour lui parce que c'est aujourd'hui que sort son nouvel album. Évidemment, on va en parler tout au long de cette émission Streets of You. D'ailleurs, tiens, regardez, le single, c'est ça. Hein. Streets of You. Il nous chantera cette chanson tout à l'heure en direct, mais Eagle Eye, je vais resituer quand même, c'est aussi ce morceau-là, par exemple. Qu'il va nous chanter en live, là, dans 10 petites minutes. Oh oui, même pas, même pas. Et puis, Eagle Eye Cherry, c'est aussi ce morceau-là. Hein. Are you still having fun? Man, you rock! Franchement, il y a que des tubes, c'est cool. Une machine à tubes. Ah ouais, non mais you have so many success. Nice to have you with us this morning with a new album, Streets of You. Et Justine a une question à te poser. Bah, ça fait déjà très plaisir de te revoir, Eagle Eye. Et raconte-nous ta rencontre avec la ville de Nashville, qui a été assez décisive pour toi pour ce nouvel album. The city of Nashville was very important for you for this album. You feel confident again, yeah, because of this city. No, but it was like I wasn't sure I was going to get back into this racket. And then I went and did some traveling, wrote some music in different cities, New York, LA, and then I got to Nashville, and that's the spot. Il n'était pas sûr de poursuivre sa carrière artistique, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il avait presque envie d'arrêter, il est allé voir différentes villes, New York, Los Angeles, et donc Nashville, Zen. Yeah, no, and it just gave me the inspiration to want to make music again, and just hanging out, listening to bands, and meeting musicians, and recording and writing there, and then... Here I am. Et donc en fait, il a retrouvé l'inspiration à Nashville. Il a écouté de nombreux groupes, il a vu de nombreux musiciens, et l'inspiration est venue. It's incredible that you want to quit. C'est incroyable que tu pensais quitter. Yeah, arrêter. We were just out on tour, and when I got up on stage, this little voice in my head said, "What were you thinking? Of course you gotta be up here." So I miss touring. That's why I came back. En fait, les tournées lui manquent. Le fait de se retrouver sur scène lui manquait. Il s'est dit, je peux pas arrêter, c'est pas possible. Et du coup, une tournée là va être prévue. J'imagine que t'as envie de remonter sur scène, du coup. New tour then in Europe. Yeah, we just did a tour around France, Spain and Switzerland, and then we're going to come back next year and keep France, touring. Espagne, Suisse, et puis il y aura un autre tour, des petites salles, et puis par la suite de grandes scènes, on en parlera évidemment. Eagle Eye Cherry est ce matin notre invité dans le double expresso RTL 2. Il va nous chanter en direct Save Tonight. Là, pour le moment, c'est Jean Gézard. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Jean Gédra, Shotgun dans le double expresso RTL de 8h12 ce matin. Notre invité, c'est exceptionnel, c'est une star internationale, c'est Eagle Eye Cherry qui est avec nous. On va écouter Save Tonight. Il a balancé tout à l'heure la chanson, ça met les frissons. Hein. Ouais, ça va être dingue. C'est ton sixième album, sixth album. Is it always the same routine? It is always the same? Or you have new feelings with this one? Est-ce que tu as de nouveaux sentiments avec ça? No, it's not always the same, but once you kind of get into the actual writing, then it kind of just does it itself. But, non, c'est pas toujours pareil. This trip was a little bit different because I really wasn't sure I wanted to do this. Ouais, celui-là est vraiment différent parce qu'une fois de plus, il nous le dit, il n'était pas sûr de le faire. Et ben, on va écouter ça tout à l'heure. Streets of You, il le chantera en live et Save Tonight arrive. Eagle Eye Cherry est avec nous sur RTL 2 en direct. À tout de suite. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL 2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL 2. RTL 2, la radio pop. Rock. Maman, c'est quoi un automne orchestre ordinaire? C'est se looker pour affronter le froid. À partir de 10 euros la doudoune, 3 euros le sous-pull, 5 euros le bas de jogging. Il y a aussi l'abonnement au club à 10 euros la première année pour profiter de moins 50% sur les vêtements. C'est orchestre ordinaire! Orchestra, mode enfant, maternité, puériculture. Modalité en magasin et sur orchestra.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées de Bastien qui changent. Avec la sortie de Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et 2 euros de cagnotte. Bastien! Un carnet à hors-la-loi réputé à travers toute l'Amérique ne coûte que 46,59€ et tu gagnes 2 euros de cagnotte. Bonne nouvelle, tu peux réaliser ton rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent Red Dead Redemption 2 à 46,59€ et en plus 2 euros de cagnotte. Et vos soirées changent. Auchan. Offre valable aujourd'hui seulement. Montant crédité sur votre compte Wahoo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Jeux vidéo déconseillés aux moins de 18 ans. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mais qu'est-ce qui te prend ? Eh ben le compte à rebours a commencé. Comment ça ? Pendant seulement 6 jours, Samsung rembourse 300 euros sur les lave-linges Quick Drive. Quick Drive, le lave-linge ultra rapide ? Le lave-linge ultra rapide. 300 euros ? 300 euros. Seulement 6 jours ? Seulement 6 jours. Eh ben alors vite ! Attends-moi. Mais oui, vite ! Jusqu'au 31 octobre, profitez des 6 jours exceptionnels Samsung Quick Drive. 300 euros remboursés sur tous les lave-linges Quick Drive en modèle 7 kg. Voir détails de l'offre sur samsung.com. Tout au long de la journée, RTL2, le son pop rock partout en France. Time. Expresso RTL de 8h17. Bonjour Justine. Et bonjour Greg, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Notre invité, comme tous les vendredis, c'est un artiste. Et là, on l'adore vraiment, c'est Eagle Eye Cherry. Bon, on est fan, hein. Ah, on va pas se mentir. On peut le dire. On va écouter son classique Save Tonight. Il revient avec son nouvel album qui s'appelle Streets of You. On écoutera le single tout à l'heure. Voici Eagle Eye Cherry en direct dans Double Expresso. Save Tonight. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, yeah. Well, we know I'm going away, and how I wish it weren't so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Fight to break our dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. And fight to break our dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. Oh, it's true. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight. Fight to break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight to break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, yeah. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. So save tonight and fight to break out on cop tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight to break out on cop tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Oh, I'll tell you now. Tomorrow I'll be gone, girl. I'll tell you now. Tomorrow I'll be gone. Oh, I wish I could stay. Sur RTL2 accompagné de son guitariste Anders. Nice. Thank you Anders. Thank you Eagle Eye. You can come back to the table if you want, Eagle Eye. C'était bien, hein? Franchement, c'était hyper chouette. C'est vrai que c'est un grand classique. Wow. It's not easy to sing at this hour, 8 and 20 minutes. This early hour, yeah. No, the best thing is just not go to bed, just stay up, and then voilà. It's just another hour. Voilà, c'est une heure finalement comme une autre pour le moment d'aller au lit et on peut continuer à chanter. C'est incroyable. What a success, this song. People tell you a lot about this song. Est-ce que les gens t'en parlent encore beaucoup? Yeah, it's a song that never dies. It's amazing. C'est une chanson qui ne meurt jamais, ça, c'est absolument incroyable. Mais tout le monde connaît cette chanson. Je regarde, on est au moins une vingtaine dans le studio. Tout le monde bougeait la tête, tout le monde chantait. C'est incroyable cette chanson. Everybody knows this song, everybody knows. Dancing, you know, singing with you in this studio. That's true. When you're on stage, quand t'es sur scène, you sing this song, of course. Of course. No, it's, I mean... You change it? Est-ce que tu la changes un peu parfois? I've done many little changes to it, but it's still, in the root of it, it's still the same song. But I mean, it's a song that, it's like my best friend. Cette chanson, c'est comme son meilleur ami. Il la change un peu, mais pas trop. J'imagine. Et alors, Eagle Eye, t'es un chanteur exceptionnel, ça on le sait, mais j'ai vu que t'étais un passionné de foot aussi. You're a big fan of soccer? Of I am, foot, I'm football. A big football fan. You're from Sweden, I can say football, non, c'est soccer. Tu supportes quelle équipe alors? Which is your team? You follow a team? Well, I have a team in Stockholm called Hammarby, but then otherwise I follow the Premier League, so it's Arsenal. Ah, il est pour Arsenal, la Premier League. Pour tout vous dire, la première équipe dont il a parlé, j'arrive même pas à la traduire, donc je vais vous dire Arsenal en Premier League. Arsenal is better now, hein, cette année, finally, c'est bien. Finally, yeah. Il est pour les Gunners d'Arsenal. Eagle Eye Cherry est ce matin notre invité. Son nouvel album, Streets of You, it's a big day for you, hein, sort yes. aujourd'hui. On écoutera le single. I feel like I'm having a baby, you know, it's like, it's a big day. Il se sent comme s'il allait avoir un bébé avec ce c'est nouvel normal. Album. Eagle Eye Cherry est notre invité ce matin dans le Double Expresso RTL2. On écoutera Streets of You. Il va commencer les balances dans quelques secondes. Pour le moment, voici Oshi, ta marinière avant l'horoscope. Derrière ta cigarette, dans mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits en fasse la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poisons d'avril, nous de ces pires la mer à boire. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble. Tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Oshi dans le Double Expresso, ta marinière, elle va venir nous rendre visite avant la fin de l'année, évidemment. Rendez-vous mi-décembre. Ah bah carrément, t'as déjà des dates, oui. Toi t'es chouchou, t'as des dates. Bah, c'est l'horoscope de ce vendredi matin, les médailles de bronze, Justine avec les balances. Vous passez trop de temps au travail, respirez un peu. Les Sagittaires. Ne prenez pas les critiques trop à cœur. Capricorne. Attention à ne pas être tête en l'air. On va passer aux médailles d'argent avec les béliers. Vous allez pouvoir profiter pleinement de votre week-end. Les gémeaux. Pour vos proches, vous êtes un vrai rayon de soleil. Je t'illumine, je te réchauffe quoi. Au moins ça. Bien sûr. Les taureaux. Aujourd'hui, vous faites rire tout le monde. Nous avons les cancers. Et vous êtes efficace sur toutes les tâches que l'on vous donne, les cancers. Les lions. La bonne humeur qui vous habite rend les autres heureux. Vierge. Votre patience sera très vite récompensée. Les Verseaux. Voilà une journée idéale pour entamer des projets. Les Poissons. Attendez-vous à recevoir une bonne nouvelle. Et la médaille d'or du jour, c'est pour... Pour les Scorpions, vous êtes d'humeur joyeuse, vous avez envie de profiter pleinement de la vie, votre week-end sera mémorable. Pour profiter de la vie, écoutez Eagle Eye Cherry, je fais des rimes, et il y aura aussi Rag & Bone Man pour le son pop rock d'RTL de Arrow, le live de Streets of You d'Eagle Eye Cherry. C'est à suivre seulement chez nous, dans le Double Express ou RTL 2. RTL2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Loran et RLP en live. Écoutez. RTL2 Pop Rock Party. Toute la

La météo, au lever du jour, la grisaille, souvent accompagnée de brouillard, recouvrera les deux tiers nord du pays et l'ensemble du sud-ouest. Du pourtour méditerranéen jusqu'aux Alpes, le ciel sera plutôt ensoleillé avec quelques nuages sur la Côte d'Or et la Corse. En fin de matinée, une perturbation apportera un peu de pluie de la Bretagne aux Hauts-de-France. L'après-midi, le ciel restera globalement nuageux sur les trois quarts du pays, à l'exception du sud-est où il fera beau. Les températures sont en baisse, 7 degrés ce matin à Cognac et Montbéliard, 10 à Dunkerque, Yvetot et Saint-Brieuc, 13 à Hendaye et à Saint-Florent, 17 à Cagnes-sur-Mer. L'après-midi, on attend 13 degrés à Paris et à Orléans, 14 au Mans, 15 à Strasbourg et 20 degrés à Arles. Tous les matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Didn't see this coming. Can you hear the sound? The sky is crying, my love, my love. Oh, your love keeps me in chains. Just like the river, I come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. This love was begging to feel the same, but you gave me nothing. I'm here again, the sky is crying above, above. If you told me then what I know now, I'd be long gone, but I'm here somehow. Can you hear the sound? The sky fell down on us, on us. Dragon Man, Arrow dans le double expresso RTL2. Pour ne rien vous cacher, on était avec Yigal El-Sherry qui est notre invité. Applaudissements s'il vous plaît pour Yigal El-Sherry, qui est avec nous ce matin. Streets of You, son nouvel album qui sort aujourd'hui. Et Justine était en train de lui raconter sa vie. En lui disant, tiens, j'aimerais bien aller à Stockholm. Est-ce que c'est le bon moment? He said to us, il nous a dit, yes, it's better for spring and parce maybe beginning of the summer. Habite à Stockholm, il faut le préciser. Oui, mais tu racontes donc, ta vie pendant qu'on écoute Dragon Man. Il me conseillait d'y aller plutôt au mois de mai, bah, c'est noté. Bah voilà, donc si vous voulez, if you want to go to Stockholm, si on veut aller à Stockholm, he's a new trip advisor, you know. Exactly. Call me. Bah on l'appelle, appelez-le. His number 064321. Okay, all right. Exactly. Streets of You, United. But his telephone's always 555. Yeah, like in the American movies. Yeah. C'est toujours 555 comme dans les films américains. So, a new album, Streets of You, today, it's a big day for you. Yes. You said to us, like, it's like a new baby, it's a come yeah, on, no, baby. It's like I've been waiting and waiting, and it's also like I have a Christmas present and I want you to open it. C'est I can't ça. Wait for you to see it. On attend, c'est comme un cadeau de Noël qu'on a envie d'ouvrir. Il est là au pied du sapin. How many songs on this album? 13. 13 chansons. Yeah, it was 12 about 4 weeks ago, but now it's 13. Voilà, il n'y en avait que 12, il y a encore un petit peu moins d'un mois, 4 semaines, et puis ça y est, maintenant, il y en a 13. New team with you, il y a une nouvelle équipe avec toi. You want a fresh start, un nouveau départ, new start? Yeah, no, just... It's a new phase, and we just did this tour, and it was so fantastic to hear the new songs out there live and just getting to the new groove. Voilà, c'est une nouvelle phase, comme il nous dit, avec une nouvelle équipe pour une nouvelle tournée. C'est rafraîchissant parce qu'on vous rappelle, hein, ceux qui étaient avec nous tout à l'heure le savent, d'autres non, peut-être. Il a failli tout quitter, tout simplement. Ça, c'est assez dingue quand même. Et cet album, donc, c'est fait moitié à Nashville, on en parlait, moitié à Stockholm. You recorded Nashville and Stockholm, where yeah. you live. Yeah. Yeah. Why exactly. two cities? Nashville, you said to us, because of the feeling there, and Stockholm because it's your home. It's well, also Stockholm is a really good music town now. I mean, there's a lot of music being made that's international, and there's a lot c'est of good musicians. De musiciens. So I actually found, even though it's very different, there is similarities between Nashville and Stockholm. There's a music community with people that are really helping each other out. Ouais, finalement, c'est deux villes très, très, très portées sur la musique et pas si éloignées que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Très complémentaires. Très complémentaires. So new album on stage with a small club, little stage first, and then. Big stages? Yeah, it's all up to everybody out there. And the more people there are, the bigger the places get. Bah voilà, il va redémarrer dans des petites salles, comme si c'était un nouveau départ. Et puis après, faire des grandes scènes. On suivra cette tournée. Hope to see you in France, of course. You yes. love France? Oh yeah, I'll be back, very much so. You're gonna have to want to get rid of me. I'm gonna be here so much, you're gonna be like, get out of here, man. Il a dit qu'il adorait la France et qu'à moins de, qu'on lui dise maintenant, faut partir, il serait toujours là. On va écouter Streets of You, Eagle Eye Cherry en live, sa nouvelle chanson. L'album sort aujourd'hui, je vous le rappelle, Streets of You. Le nouvel album d'Eagle Eye Cherry. Il nous fait le plaisir de venir nous interpréter Streets of You, justement, comme le nom de cet album, en direct dans le double expresso RTL2 avec son guitariste Anders. 3, 2, 1 en live sur RTL2.fr également. Eagle Eye Cherry, Streets of You. Every minute is a week. Broken heart can't get no sleep. Well, I can't hang around this misery no more. Cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, but still reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. Ooh, I don't look back. Ooh, no looking back. Losing it again. I see you sitting there and then you look at me, but there's no looking back. Cause of you, I don't know what to do. Yeah, it's true, I still walk the streets of you. When I walk the streets of you, the city sleeps, but still reminds me. Moving on away from you, I guess it's time to break free. Ooh, I don't look back. Ooh, no looking back. When I walk the streets of you, the city sleeps, it sleeps with you. So I'll leave this town behind. Don't look back, my love's not blind. When I walk the streets of you, the city sleeps, but still reminds me. Moving on away from you, I guess it's time. It's time to break free. Here we go. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh.

the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 8h47, on va jouer à la banque RTL2 dans quelques secondes, jusqu'à 10 000 euros à gagner. Oui, des séjours au parc Astérix également. Et puis, on parle en même temps, c'est rigolo. On est en stéréo, on se connaît par. Et qui arrive à 8h55? C'est moi. Ah bah oui, il est là. Ouais, ça fait plaisir que tu sois là, c'est Jonathan O'Donnell. Un top 3 de l'actu. Avec une info pour les fans de mode comme Justine Salmon, elle va adorer. Oh, j'ai hâte ça. Ça s'est bien vendu, ça donne envie de rester. Ah, oui. On va écouter Damien 16 pour se remettre. Voici Jeune et Con sur RTL2. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant. Se coucher, mais demain rien n'ira mieux. Puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous gagnerons à devenir feu. Mais j'ai depuis longtemps perdu mes rêves. Je connais trop la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tous les jours. Mais je sais qu'on est quelques milliards à chercher l'amour encore. Encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser dans cet état d'urgence. Alors elle va danser, faire semblant d'exister. Qui sait? On vivra vieux, puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que des pions contents d'être à genoux, puisque je sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous, comme des fous. Sur RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Bonjour Jessica. Bonjour Greg, bonjour Justine. Coucou Jessica. Ça va? Oh ouais, ça va super bien, je suis contente de vous avoir. Bah nous aussi, on est ravis, vous êtes à Niort. Oui. Oh bah, dis donc, mais on rigole, on se marre ce matin, on est bien. Jessica, elle est pleine de bonne humeur, c'est chouette, vraiment. Oui. Apparemment, vous êtes une gaffeuse. Tout le temps, en fait. C'est terrible. Quelle est la dernière gaffe que vous ayez faite? Je vais plutôt vous raconter ma plus grosse gaffe. Le jour de mon mariage, une personne parmi les invités au vin d'honneur que je ne connaissais pas. Donc moi, je me suis dit, tiens, c'est une personne qui s'est incrustée au mariage. Ouais. J'ai voulu le faire virer. Voilà. Et il s'est avéré que non, il faisait bien partie des invités et c'était même moi qui l'avais invité. Bah, voilà. Mais c'était qui? C'était le nouveau compagnon de ma cousine. Alors, pour ma défense, je ne l'avais vu qu'une fois. Le pauvre homme. Je me suis senti mal, j'imagine. Bah, tout ça pour faire la star dans une émission de radio, Jessica. Vraiment, je vous juge. Allez, on vous embrasse. On vous souhaite une bonne chance. Et puis, bon mariage à nouveau. J'ai dit n'importe quoi. J'ai une phrase. Il n'y a pas un mot qui allait dans ce que j'ai dit. On vous embrasse. Une bonne chance. Allez, on y va. On lance la banque, Jessica. Je suis fatigué. Vivement les vacances. Une montre Suunto. 150 euros. Je passe. Coffre de. Une guitare. Ah. Je passe. Coffre 3. Une peluche. Je passe. Coffre 4. Un séjour pour 4 personnes au parc Astérix. Ah, encore oui, 950 euros. Je suis pas sûr que vous soyez très enthousiaste. Ça vous tente? Oui. Vous avez l'air déçu. Vous voulez qu'on voit ce qu'il y a dans le coffre suivant? Non. Non. Eh ben bravo. Merci. Oh là là, je suis trop contente. Merci RTL2, merci le double expresso. Et je vous adore, vraiment, je vous écoute tous les matins, vous êtes super. Quand et nous aussi, on vous adore, on vous écoute tous les matins, on fait comme dans l'esprit criminel, on a une caméra et un micro chez vous. C'est un truc hyper fou. Regardez bien, c'est hyper dangereux. Vous venez de gagner un séjour au parc Astérix, magnifique. 1000 euros, super, là, je suis ravie. Merci beaucoup. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite une belle journée et. Jessica, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso. Le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et avant d'accueillir Jonathan O'Donnell, je voudrais qu'on applaudisse. Vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu de la semaine. Notre star de la semaine, elle était en stage avec nous. C'était Stella. Applaudissements. Bravo. Stella Maria. Tu peux dire un mot au micro, Stella. C'est mon cadeau d'adieu. Merci à toute l'équipe, c'était vraiment génial. Voilà, tu feras un chèque merci avant de partir. Michel. Tu diras à papa, maman de nous régler tranquillement cette semaine de babysitting. Ça a été un plaisir, Stella Maria. Elle est plus grande que toi. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Jonathan, Donnel, il est en stage, c'est prolongé, c'est officiel. Ah, ça c'est bien. Bon, tant mieux. Moi, je vous emmène à Nice. Une Azuréenne a lancé une collection de vêtements pour rester à la maison, tout en restant coquette. Ah, intéressant ça. Et Greg aussi met des vêtements pour rester à la maison, hein, sauf que lui, il met tout le temps. Voilà. Même au boulot, c'est les vêtements de la maison. T'as fait un effort aujourd'hui quand même, j'ai vu. Parce oui, qu'il a sorti la petite chemise, on a l'invité. Les gars, l'hiver arrive, on sort les cardigans, hein, c'est normal. Beau gosse. Allez. On est dans l'élégance. Bientôt la team velours. Ah, c'est bon. Un peu de tweed. Allez, bon, on parle dopage. Johan Bruinil, l'ancien. Non, Johan Brunel. Brunel, ok, désolé, c'est mal écrit alors. Hein. L'ancien directeur sportif de Lance Armstrong a été suspendu à vie de toute activité sportive. Ah, ouais. Mais tout n'est pas perdu, hein, car grâce à notre Azuréenne, il pourra rester à la maison tout en restant coquet. Ça, c'est bien pour lui. Et on termine à Lille. Un jeune homme de 25 ans a été condamné pour avoir harcelé sa sœur cadette, dont il ne supportait pas l'indépendance. Ouais, donc Lille, harcèlement entre frères et sœurs. J'ai beaucoup de vannes, hein, j'ai beaucoup de vannes, mais je joue mon spectacle les 9 et 10 novembre à Lille, alors je veux qu'il y ait du monde. Voilà. Restons copains. Quel escroc. Dimanche soir, 18h30 au théâtre Beau-Saint-Martin. Dans un instant, Carole Vega, qui est déjà là dans les starting blocks, t'es toujours prête. Bonjour Carole, déjà. Bonjour. Il y a aussi les copains de Boulevard Désert sur RTL2, à tout de suite. Bonjour, c'est Lenny Kravitz. Écoutez RTL2. Partez à la rencontre de Lenny Kravitz pour son concert à Milan. À tout moment sur RTL2. RTL2, la radio pop rock. Parce que chez Castorama, on sait bien qu'un mur qui a besoin d'un coup de pinceau n'a pas envie d'attendre le mois des rabais pour se refaire une beauté, nous avons décidé qu'à partir de maintenant, les prix bas, c'est tous les jours. Vraiment ? Oui, vraiment. Comme la peinture Colors Multisupport avec sous-couche intégrée, qui existe en 93 coloris, au prix de 29,95€ les 2,5 litres, toute l'année chez Castorama. Castorama. C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. 11,98€ le litre, dangereux, respectez les précautions d'emploi. Prix valable jusqu'au 31 décembre 2018. Maman, c'est quoi un automne hors extraordinaire? C'est se looker pour affronter le froid. À partir de 10€ la doudoune, 3€ le sous-pull, 5€ le bas de jogging. Il y a aussi l'abonnement au club à 10€ la première année pour profiter de moins 50% sur les vêtements. C'est hors extraordinaire! Orchestra, mode enfant, maternité, puériculture. Modalité en magasin et sur orchestra.com. Et en ce moment, vous avez 3 ans de garantie offerte sur toute une sélection de Citroën C3 et SUV Citroën C3 Aircross d'occasion. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Si, d'occasion. Chez Citroën C3.